En Corée, des pépinières de la ville de Kaesong sont en cours de réaménagement. Cette ville a agrandi cette année des centaines de pépinières, notamment celle de Paguyon, capable de produire chaque année des millions de plants d'arbres.